Selon les informations de Séoul, le Parti démocrate de Bulon et le Parti du peuple, parti de l'opposition, ont exigé le 13 de Bakuni de prendre une décision de démission.